L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Vous vous souvenez certainement de la défaillance en avril dernier du télescope spatial japonais Hitomi, dans lequel la communauté scientifique mettait de grands espoirs. Eh bien, avant sa perte définitive, Hitomi a quand même eu le temps de produire, durant 3 petites semaines, des données d'observation qui se révèlent excellentes et très riches d'enseignements. Ce sont des observations de mouvements de gaz chauds à l'intérieur d'un amas de galaxies qu'une équipe d'astrophysiciens avait décidé d'effectuer avec Hitomi dès sa mise en orbite, sans attendre la fin de toutes les calibrations des nombreux instruments équipant le télescope. Et ils ont bien fait quand on connaît la suite de l'histoire. L'amas de galaxies observé est le célèbre amas de Persée. Les mesures des vitesses du gaz chaud à l'intérieur des amas de galaxies permet de voir, entre guillemets, la turbulence de ces objets, ainsi que les flux qui sont liés à l'histoire de l'amas et ceux qui sont associés au trou noir supermassif qui y loge. Les niveaux de turbulence mesurés permettent aussi aux spécialistes de déduire certains paramètres cosmologiques fondamentaux. Il faut garder à l'esprit que dans les amas, la masse de gaz est beaucoup plus importante que la masse de toutes les étoiles de toutes leurs galaxies. Alors que ces vitesses de gaz avaient jusque-là été estimées de manière indirecte, Hitomi a permis à l'équipe de la collaboration Hitomi, pour la première fois, de la mesurer directement, et avec une très bonne précision. C'est grâce au spectromètre à rayons X de basse énergie, unique, du télescope japonais, qu'ils ont pu faire cette mesure. L'amas de Persée est le seul objet du ciel qu'a eu le temps d'observer Hitomi avant sa défaillance. Le modèle le plus généralement admis aujourd'hui est un modèle bottom-up. Les petites structures, les galaxies, se forment tout d'abord, puis elles fusionnent entre elles pour donner des galaxies plus grosses, qui vont ensuite se rapprocher pour former des groupes de galaxies, qui formeront ensuite des amas, puis des super-amas. Parmi les paramètres cosmologiques les plus importants se trouve évidemment la quantité de matière noire et la quantité d'énergie noire, qui impliquent des histoires différentes pour la formation des amas en fonction de leur valeur. La distribution de masse des amas, observée en fonction du temps cosmique, peut ainsi apporter des contraintes sur ces paramètres cosmologiques. Mais la distribution de masse des amas individuels doit être mesurée de façon robuste pour pouvoir contraindre avec une grande précision les paramètres du modèle. Les amas de galaxies contiennent typiquement entre 50 et plusieurs milliers de galaxies, engluées dans de vastes quantités de matière noire et de gaz chaud diffus qui émet des rayons X. La température de ce gaz, dans le cas de l'amas de Persée, est de l'ordre de 50 millions de degrés. Ce sont ces rayons X que Hitomi a détectés, et son spectromètre pouvait mesurer très précisément d'infimes variations de longueur d'onde dues au décalage Doppler produit par des variations de vitesse de la source d'émission. L'amas de Persée a été choisi comme première cible pour Hitomi parce qu'il est l'amas de galaxie le plus brillant en rayons X que l'on connaisse, et il a déjà été étudié par de nombreux autres télescopes à rayons X comme Chandra, XMM Newton et Suzaku. L'amas de Persée représentait donc un excellent test comparatif des performances de Hitomi. La galaxie centrale de l'amas, NGC 1275, possède un trou noir supermassif dans son centre et des jets de particules de haute énergie en sortent pour produire de larges bulles au sein du gaz diffus de l'amas. L'étude de Aharonian et ses collègues s'est portée sur les mouvements de gaz associés aux jets de ce trou noir supermassif, ainsi que les turbulences apparaissant tout autour. Les astrophysiciens trouvent que les vitesses du gaz sont plutôt faibles, environ 150 km par seconde. Cela a pour conséquence notamment que la pression additionnelle, ajoutée par la turbulence, représente seulement quelques pourcents de la pression totale. Cette information est cruciale pour le futur, car elle indique que les mesures de la masse de l'amas qui seront faites en observant les rayons X du gaz chaud, avec l'hypothèse d'un équilibre hydrostatique, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte l'effet de la turbulence, n'auront qu'une erreur très faible. Malgré les incertitudes associées au fait que le télescope n'avait pas encore été pleinement calibré, les vitesses de gaz de cet amas sont les plus précises jamais mesurées, grâce notamment à l'excellente résolution en énergie ou en longueur d'onde qu'offrait le spectromètre SXS, le Soft X-ray Spectrometer. Les astrophysiciens savent maintenant quel type de données ils étaient capables d'obtenir avec l'un des meilleurs instruments de Hitomi. Bien d'autres détails et mystères restent évidemment à explorer en rayon X au-delà de l'amas de Persée. Les futurs télescopes à rayon X bénéficieront forcément de ces preuves de performance. Le prochain à prendre son envol est prévu en 2028, conçu par les Européens. Il s'appellera Athena X-ray Observatory. L'article de la collaboration Hitomi est paru dans Nature, le numéro 535 de cette semaine, donc le 7 juillet 2016. Il a pour titre « The Quiescent Intracluster Medium in the Core of the Perseus Cluster ». Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des amas de galaxies se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, toujours sur podcloud.fr et toujours sur le blog, bien sûr. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !